Audiomatique. lancer sur la pièce Fragility, tirée du tout nouvel album intitulé Brutal Nature, réalisé par le compositeur canadien Rhys Fulber, que nous avons entamé cette transmission 372 d'Audiomatique. Outre ses compositions en solo qui foisonnent depuis quelques années, Rhys Fulber est bien entendu un pilier de la musique électronique canadienne, connu pour ses participations notamment aux groupes Frontline Assembly, Delirium et Noise Unit. C'est le duo allemand Coloma qui assure la continuité à Audiomatique. Let's go to bed. À Audiomatic, nous entendions la collaboration entre le projet East Tenders, mené par l'artiste allemand Stephen Mueller, et le projet Naturalizer. Ensemble, ils nous offraient la pièce Tender, qui se retrouve entre autres sur le premier album d'East Tenders, intitulé Along the Path. Et pour débuter, il s'agissait du duo allemand Coloma, et la chanson « So Much in Common », extraite de son troisième album « Dovetail », lancé en 2005. C'est au tour du projet anglais « Cadian » de se faire entendre à Audiomatic. Thank you. Nous vous avons offert à Audiomatic la musique du groupe américain Battles par l'entremise de la chanson Atlas, tirée de son premier album Mirrored, sorti en 2007. Et pour débuter, nous avions droit au projet anglais Cadian, mené par Max Sedgley, et sa composition Bud, que l'on peut retrouver sur la compilation Plush. C'est sur une longue pièce du projet Drift que se terminera cette transmission d'Audiomatic de son tout nouvel album intitulé From Stasis. C'est la pièce Contour que nous allons entendre. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Drift et la pièce Contour. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.